L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zeil-Meyrowitz. Deuxième épisode. Vous êtes allemand ? En effet. Pourquoi vous me demandez ça ? En Amérique, les nouveaux arrivants sont menacés. Donc, vous avez perdu votre parapluie et par-dessus le marché, votre valise. Il se peut que la valise ne soit pas perdue. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je me permets de vous dire, monsieur le commandant, que monsieur le soutier est bien maltraité sur ce bateau. Jeune homme, comment vous appelez-vous ? Karl Rossmann. Mais alors, dans ce cas, je suis ton oncle Jacob et tu es mon neveu. Viens m'embrasser. C'est monsieur le sénateur Edward Jacob qui se manifeste ici comme votre oncle. Jeune homme, il ne faut pas l'offenser. Désormais, une carrière merveilleuse vous attend, carrière à laquelle, jusqu'à présent, vous n'auriez pu prétendre. Karl Rossmann a vraiment de la chance d'avoir un véritable oncle d'Amérique pour l'accueillir. S'il avait débarqué dans le port de New York en minable immigrant allemand solitaire, on ne l'aurait pas laissé entrer aux États-Unis. Il aurait aussitôt été extradé. Les autorités américaines seraient restées insensibles au fait qu'il n'avait plus de pays. Car ici, aux États-Unis, comme tout le monde le sait, il ne faut surtout pas songer à la pitié. Jamais. Et ce que Karl avait lu concernant l'Amérique était certainement très proche de la vérité. Les seules personnes à être vraiment heureuses dans ce pays sont les gens fortunés, et ils sont indifférents au visage solitaire qui les entoure. Tu vois, mon neveu, nous sommes au sixième étage avec vue sur New York, depuis ton balcon privé. Les cinq étages inférieurs m'appartiennent, ainsi que les trois étages du sous-sol qui sont réservés à mon entreprise. Mais attention, sur les balcons new-yorkais, beaucoup de gens passent leur temps à regarder la ville qui les fascine. Toi, au contraire, tu vas éviter cette inactivité solitaire. Je ne veux pas te voir sur ce balcon en train d'observer la rue bouche bée. Non, toi, Karl, tu dois t'appliquer à chercher le métier que tu souhaites exercer. Bien sûr, il ne faut pas te précipiter, sinon tu risques de te faire avoir en émigrant que tu es. Non, prends le temps d'observer et de te préparer. Regarde ce que j'ai acheté pour toi. Un bureau en bois américain, dernier cri, avec des centaines de casiers de toutes sortes, de gauche à droite, de haut en bas, digne du président des États-Unis. Comme celui que ton père a cherché en Europe pendant des années, Rossmann, mais que finalement il n'a pas pu se permettre d'acheter par manque de moyens. Équipé d'un régulateur. Un régulateur ? Tu tournes cette manivelle pour réorganiser les tiroirs selon tes goûts personnels. Regarde, des petites cloisons descendent pour former les contours d'autres casiers. Selon la vitesse avec laquelle tu manipules la manivelle, tu peux créer un nouveau bureau qui correspond exactement à tes besoins. Même si c'est le dernier cri, cette invention te rappelle les crèches de Noël que tu as vues dans ton pays pendant la fête de l'Avent. Enfant, tu étais fasciné par le mouvement de la manivelle qui faisait apparaître les rois mages, l'ascension de l'étoile et enfin la scène familiale dans les tables. Et toujours ta mère derrière toi. Ce sont de vagues souvenirs sans doute, mais là, maintenant, en Amérique, tu peux t'y replonger. Pour dire vrai, j'aurais préféré t'offrir un bureau normal, plus simple. Je n'aime pas celui-ci. Mais je me suis dit que mon neveu devait pouvoir profiter des avancées de la dernière technologie made in USA. Attention au régulateur quand même. Ce n'est pas un jouet et il reste fragile. Je te promets de me tenir à la hauteur de ta générosité, oncle Jacob. Ce n'est pas fini. Tu as manifesté le désir de jouer du piano. Le voici. Et avec des partitions sélectionnées pour mieux t'aider à comprendre l'esprit de la société américaine, comme celle de l'hymne national. Je peux ? Mais je t'en prie. Bien joué, Karl Rossmann. Ce piano va t'aider à rentrer dans le vif de la réalité américaine. Cette nuit, par ta fenêtre ouverte, tu étais étonné d'entendre quelqu'un dans un autre immeuble jouer sur un piano mal accordé une chanson militaire de ton pays. Tu as sauté du lit pour regarder dehors et, malheureusement, pas de bonne surprise. Rien n'avait changé. Les mêmes bâtiments en face, la même circulation dans les rues. Tu voulais peut-être te retrouver par miracle chez toi, mais hélas non. Maintenant, il faut apprendre les marches américaines et perfectionner cet hymne national. Tout cela est très bien, Carl. Mais le plus important maintenant, ta première et ta plus grosse tâche est d'apprendre l'anglais. Good morning, Mr. Rossman. Good morning, miss. A fine day, isn't it? Very fine. Have you had your breakfast already? Thank you, miss. Yes, indeed. I have had the breakfast. Pas d'article. Comment? Pas d'article. Pas d'article, yes. Thank you, indeed, uncle. A fine day to you, sans article. Continue, please. Yes, miss. I have had breakfast, yes, but I'm still quite angry. Hungry. Hungry. Hungry. Angry. Angry. And now, Mr. Rossman, please be so kind as to recite the poem you learned for today. Comment? Ne me demande pas, je n'y comprends strictement rien. Le poème imbécile. Le poème imbécile? Le poème que je t'ai donné à apprendre sur le grand incendie de Chicago. Ne me fais pas honte devant madame la professeure. Allez! The great Chicago fire, friends, will never be forgot. In the history of Chicago, it will remain a darkened spot. Plus vite et avec un peu d'élan. It was a dreadful, horrid sight. Horrid! Comment? Horrid, avec un H. Il faut prononcer les H. Thank you, uncle. Très gentil. Very gentle of you. And to you, madame professeur of anglais. Very gentle of you, too. Tu fais des progrès, Rossman, mon vieux. Mon neveu, je te présente le jeune Mr. Mac, fils de mes amis, les Mac. Jusqu'aujourd'hui, j'ai beaucoup hésité à savoir si je devais ou non te faire rencontrer des Américains. En raison de ton anglais un peu... disons, misérable. Mais, comme tu commences à faire des progrès, je te sors du placard pour que tu puisses faire ton entrée dans la société américaine. Mr. Mac, mon neveu, fraîchement débarqué d'Europe, Carl Rossman. Enchanté, monsieur. Mais non. Pleased to meet you, Mr. Mac. Pleased to meet you, Mr. Mac, I'm sure. Are you so sure? Et maintenant que tu connais Mr. Mac, demain, dès l'aube, hop, à cheval. Allez, Rossman, si vous souhaitez être millionnaire dans ce pays, il vous faut obligatoirement apprendre l'équitation. Voici le jeune Mr. Mac, fils de millionnaire, qui, aux yeux de ses propres parents, reste un raté. Il sourit tout le temps, tu vois. Et c'est le favori de ton oncle. Alors pas moyen de faire sans lui, Carl. Pour cela, Rossman, il faut se lever à 4h30. Même si après, vous devez avoir sommeil durant toute la journée. Allez, accrochez-vous bien au cheval. Comment ça? Tu n'as même pas encore appris à monter? Plus vite! À beaucoup de fois de temps en temps, Rossman. Crack the whip, Mr. Rossman. Oh non, pas elle, mais qu'est-ce qu'elle fiche ici? Nos chevaux américains ne comprennent que l'anglais, Rossman. Votre cher oncle vous envoie votre prof d'anglais ici même au manège pour vous apprendre le vocabulaire. C'est de la torture, ni plus ni moins. Keep to the treadmill. Don't fall asleep on horseback. Keep your grip on the reins. And Rossman bites the dust. Et te voilà à terre, tombé sur les fesses devant tout le monde. Et en plus, tout ça en anglais. Tu n'as jamais vu ça, Rossman. Une pomme de douche presque aussi large que la baignoire elle-même. Chez toi, en Europe, personne ne possède une telle installation pour lui tout seul. Et voilà qu'ici, en Amérique, chez l'oncle Jacob, je suis traité comme un prince. Je peux tout régler moi-même. Tiède, chaud, glacé, et m'endormir en laissant les dernières gouttes tomber sur mes yeux déjà fermés. Le luxe, mon vieux. Eh bien, mon cher, sois le bienvenu dans les bureaux de ma société. Il est grand temps que tu apprennes comment marche une entreprise américaine à grand succès. Eh oui, il était temps. Peut-être qu'il y a même du travail pour toi ici. Donc, j'approvisionne les grands cartels industriels en matières premières et en toutes sortes de marchandises. C'est immense. Les achats, la manutention, les transports, tout. C'est pour cela que tu peux voir en long et en large des centaines de téléphones et de télégraphes qui fonctionnent de manière incessante 24 heures sur 24, et au-delà si nécessaire. Tu vois ce téléphoniste qui parle à un client et qui prend des messages tout en écrivant sur son carnet. Eh bien, il y en a deux autres derrière lui qui prennent la même commission. Après, il y a comparaison des messages entre les trois, et comme ça, on réduit de presque 100% la possibilité d'erreur. Mais on ne s'entend plus ici. Quel brouhaha. En plus, tu as remarqué ces va-et-vient persistants. Tout le monde est pressé. Pressé. Personne ne salue plus personne. Les regards sont le plus souvent tournés vers le sol. C'est comme s'ils avaient perdu l'habitude de communiquer. Tu as vraiment fait du chemin, oncle Jacob? De mes propres mains, Carl. De mes propres mains. Il y a 30 ans, je n'avais qu'un petit magasin dans le port où l'on déchargeait peut-être 5 caisses par jour. Aujourd'hui, ce même magasin est devenu la cantine de ma 65e équipe de dockers. C'est un miracle. This evening, my uncle has invited me to eat food with him. Plus raffiné, s'il te plaît. My uncle has invited me to dine. With him and to... Comment dire, relation d'affaires? Business associates. With him and to the business associates. Pas d'article, imbécile. Their names are Mr... Green. Mr. Green, I am honored to make your... Your... Acquaintance. Oui. Yes. Et moi, je suis Paul Under. Enchanté, jeune homme. The pleasure is all yours, Mr. Paul Under. Correction. The pleasure is all mine. Tout le plaisir est pour moi, pas pour lui. Vous voyez, mes amis, comme mon neveu a fait des progrès en anglais. Vous imaginez, il y a seulement 2 mois, à son arrivée à New York, il employait toujours dans les phrases anglaises l'article, là où il ne le faut pas. En tout cas, Rossmann, en nous écoutant, vous allez apprendre le business English. Un vocabulaire professionnel pour vous aider à bâtir un avenir commercial dans notre pays, ce qui semble être votre destinée. Mais dites-moi, jeune homme, quelles sont vos premières impressions de notre « land of the free and home of the brave » ? Oh oh, méfie-toi de ce Green. Votre comment ? Notre pays, notre Amérique, vos impressions. Je sais. Mais arrête de bégayer comme un abruti, Carl. On t'a posé une question. Réponds donc. Je trouve, chers messieurs, que les premiers jours d'un Européen en Amérique sont comme une naissance. Naissance. Oui. Chers messieurs, les premiers jours d'un Européen en Amérique sont comme une naissance. On passe... D'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre. Ce n'est pas facile. Bien sûr. Mais... Il ne faut pas oublier, Carl, vous m'autorisez à vous appeler Carl. Il ne faut pas oublier que la première impression est toujours fragile. Et qu'en poursuivant votre chemin parmi nous, vous aurez très certainement d'autres impressions qui vont rendre la première caduque. Vous fabriquez des idées. Oui, vous fabriquez des idées, un peu comme ma fille. Votre fille ? Clara. Elle a plus ou moins votre âge. Nous habitons dans un petit domaine rural dans l'Upstate New York. Malheureusement, je ne passe que mes soirées là-bas. Je suis banquier et donc obligé d'exercer mon métier toute la journée en ville. À ce propos, je vous invite à nous rendre visite. Pour un Américain tout frais, tout neuf comme vous, il est bon parfois de se reposer loin de la ville de New York. Vous êtes d'accord? Avec plaisir. Si mon oncle Jacob le permet. Pourquoi pas? Tôt ou tard. C'est la première fois qu'il te convoque dans son bureau, ton oncle. Un de ses bureaux? Oui, c'est vrai. Il en a 10, rien que dans cet immeuble où il habite. Je sais pas pourquoi il me convoque. Pour t'offrir une position dans son entreprise. C'est évident après tous ces mois d'attente. Entrez. Ah, Carl. Monsieur Polander est venu te chercher pour t'emmener dans sa demeure à la campagne. Excusez-moi, je ne savais pas que ça serait pour aujourd'hui. Sans quoi je me serais préparé? Oh, dans ce cas-là, il vaut mieux peut-être reporter cette visite. Il n'a pas besoin de se préparer. Il est jeune, donc il est prêt. Mais pourquoi sont-ils assis dans la pénombre, éloignés l'un de l'autre? Il y a quelque chose d'indescriptible qui plane dans l'air. Tu vois comment ta visite cause des contretemps. Je suis désolé, mais je peux me préparer rapidement. Ne vous embêtez pas, Carl. Vous ne me causez aucun contretemps. Tu vas manquer le manège demain. Il faudra décommander. Pas de problème. Le manège est sur notre route. Nous nous y arrêterons pour décommander. Mais Mac t'attendra quand même demain matin au manège. Oui, c'est vrai, je ne sais pas comment l'avertir. Mais Clara, ma fille, l'attend déjà ce soir. Et elle a une certaine priorité sur Mac, n'est-ce pas, Jacob? Peut-être. En tout cas, il faudra impérativement rentrer demain matin pour ta leçon d'anglais. Demain matin? Il a le droit de passer une partie de la journée à la campagne, quand même. Je le ramènerai dans l'après-midi. Pas question. Il n'a pas le droit d'interrompre ses études. Quand, plus tard, il mènera une vie professionnelle bien réglée, il pourra se permettre de partir, pour quelques jours même. Maintenant, il lui faut de la rigueur. Ça n'en vaut pas la peine juste pour un soir et un matin. Ah là, je suis d'accord avec vous, Polander. C'est à prendre ou à laisser. Contradiction sur contradiction. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est à prendre ou à laisser, Carl. Prends. J'accepte. Mon oncle n'est-il pas fâché que je parte avec vous? Mais non. Vous ne parlez pas si sérieusement que vous le croyez. Seulement, il a votre éducation très à cœur en ce moment. Est-ce qu'il vous l'a dit lui-même qu'il ne parlait pas si sérieusement? Mais oui, absolument. Il est bien clair que Polander ne veut pas en parler. Parlons plutôt de ma fille, Clara, que vous allez bientôt rencontrer. Une maîtresse de maison très douée. Oui, j'ai envie de tout savoir sur elle. Pas tout, quand même. Tu ne veux que calmer ton impatience d'y arriver en écoutant les éloges de Polander au sujet de sa fille unique. En même temps, l'opposition de ton oncle te trouble encore. Tu vois comment ta visite cause des contretemps. Quel contretemps? En tout cas, il faudra impérativement rentrer demain matin pour ta leçon d'anglais. Oui, impérativement, Carl Rossmann. Mais pour le moment, regarde autour de toi. C'est la première fois que tu empruntes les rues de New York le soir. Dans les faubourgs, la limousine est constamment réorientée par des policiers à cause d'une manifestation. Les grands axes sont occupés par des ouvriers métallurgistes en grève. Une masse de manifestants se déplace à pas minuscules en chantant à l'unisson. Partout des policiers à cheval, des porteurs de banderoles, des meneurs entourés de camarades et de membres du service d'ordre, ou encore un tram qui n'a pas réussi à échapper à la masse et qui reste inanimé, vide et solitaire, son conducteur impuissant sur la plateforme. Les spectateurs ne donnent pas l'impression de comprendre ce qui se passe. Et dans la limousine, Carl Rossmann s'appuie sur le bras que Polander passe autour de ses épaules. Le garçon ressent un bien-être extrême en imaginant la sécurité de la maison de campagne qui l'attend, gardée par des chiens, entourée par des murs. Et il somnole. Il tente malgré tout de se maintenir éveillé en se frottant les yeux pour éviter de perdre les détails des descriptions que lui fait Polander, et surtout, pour s'assurer que ce même Polander ne remarque pas qu'il somnole. L'Amérique, de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zane Meyrowitz. Deuxième épisode, avec Guillaume Marquet, Carl Rossmann, Laurent Cléry, le narrateur,